الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Notre cher, que Allah lui fasse miséricorde, a dit « Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbik. » Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbik. Al-ayah. Le sens de ce verset, c'est que Al-Mal, c'est-à-dire les biens, et Al-Banoun, c'est-à-dire les enfants. Les biens et les enfants, ce sont des parures. Ce sont des parures de ce bas-monde éphémère. Ce sont des parures de ce bas-monde éphémère, de ce bas-monde qui va à sa fin, qui va s'estomper petit à petit. أما الباقيات الصالحات elles sont meilleures selon le jugement de Dieu. الباقيات الصالحات sont meilleures selon le jugement de Dieu. Qu'est-ce que الباقيات الصالحات? الباقيات الصالحات ce sont les bonnes œuvres. الباقيات الصالحات ce sont les حسنات, à savoir la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, le dhikr, c'est-à-dire l'évocation de Dieu, la récitation du Coran, les aumônes, et ce qui est de cet ordre. Et ce qui est de cet ordre, c'est-à-dire la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, le dhikr, l'évocation de Dieu, la récitation du Coran, l'aumône. Pourquoi est-ce que Allah les a appelés al-baqiyat? Celles qui restent. Parce que la récompense des bonnes actions ne vont pas disparaître. Les récompenses des bonnes actions ne s'interrompent pas. Pourquoi? Parce que l'au-delà n'a pas de fin. Donc la personne qui va jouir des conséquences des bonnes œuvres qu'elle a fait dans ce bas monde, cette jouissance n'aura pas de fin. Les hasanat, Allah les a appelés al-baqiyat, c'est-à-dire qu'elles vont rester. Elles ne s'interrompent pas parce que la récompense de ces bonnes actions est une récompense qui n'a pas de fin. Dans l'au-delà, ce sera une vie après laquelle il n'y a plus de mort. Dans l'au-delà, ce sera une vie après laquelle il n'y a plus de mort. Dans l'au-delà, ce sera une bonne santé après laquelle il n'y a plus de maladie. Dans l'au-delà, ce sera une bonne santé après laquelle il n'y a plus de maladie. Dans l'au-delà, ce sera une jeunesse après laquelle il n'y a plus de vieillesse. Dans l'au-delà, ce sera un repos après lequel il n'y a plus de fatigue. Quant aux parures du bas-monde, les parures du bas-monde, c'est-à-dire les enfants, l'argent, les enfants, Allah les a créés pour qu'ils meurent. Les enfants sont créés pour mourir. La fin des enfants, ce sera la mort. Certains meurent le jour de leur naissance. D'autres meurent après avoir vécu une semaine. D'autres meurent après avoir vécu une année. D'autres meurent avant d'atteindre la jeunesse. Et il se peut que le petit-fils meure avant son grand-père. Il se peut que le petit-fils meure avant son grand-père. Les joies du bas monde disparaissent rapidement. Les joies du bas monde s'estompent rapidement. Et l'argent également disparaît rapidement. La nourriture, quelle qu'elle soit délicieuse, quel que soit l'effort et l'application de la personne qui prépare un bon plat, la fin de ce bon plat, ce sera ces choses qui sont répugnantes. La nourriture qui est délicieuse, tout comme la nourriture qui n'est pas délicieuse, leur faim est la même. Et même les vêtements, quels qu'ils soient beaux, la fin des vêtements, c'est qu'ils soient jetés dans les ordures. Après qu'ils soient déchirés et qu'ils n'ont plus le bel aspect qu'ils avaient auparavant. Par contre, les bonnes actions, elles vont rester. Les bonnes actions, elles demeurent. Et la plus facile des bonnes actions à dire par la langue, et qui donne une grande récompense, c'est le dhikr, c'est d'évoquer Dieu. Au lieu de rester comme ça, la bouche fermée sans rien faire, que la personne s'habitue à évoquer Dieu. Elle reste, Allah lui a donné une mâchoire inférieure et une mâchoire supérieure, un souffle, une langue. Alors qu'elle dise La ilaha illallah, La ilaha illallah, même sans faire entendre les voisins, ce n'est pas une condition. Elle dit, comme ça elle gagne des récompenses. Au lieu de gaspiller le temps, elle est en train de gagner des récompenses, n'est-ce pas que Allah nous dit Wal baqiyatu salihatu. C'est-à-dire que les bonnes actions, leur récompense, elles restent. Donc tout ce que tu vas gagner, ça va te profiter sans fin. Pourquoi passer à côté de ces occasions? Donc, la chose la plus facile pour la langue, parmi les bonnes actions, c'est le zikr, c'est d'évoquer Dieu. La récompense est éminente. Parmi les sortes de dhikr, les sortes d'évocations de Dieu, c'est de dire Subhanallah wa bihamdi. Si un musulman dit Subhanallah wa bihamdi, il lui sera planté un arbre au paradis. Une fois il dit Subhanallah wa bihamdih, il a un arbre. Il dit deux fois, il a deux arbres. Il dit 100 fois, il a 100 arbres. Subhanallah wa bihamdih. Chaque fois qu'il dit Subhanallah wa bihamdih, avec la bonne prononciation, il a autant d'arbres qui lui seront plantés au paradis. Et les arbres du paradis, ce ne sont pas comme les arbres du bas monde. Il aura un palmier d'or, un palmier en or. Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, il aura 100 palmiers en or. Et celui qui l'a dit 1000 fois, il aura 1000 palmiers en or. Et celui qui dit plus que cela, il aura encore plus. Et les palmiers du paradis ne sont pas comme les palmiers du bas monde. Le goût, la couleur et l'odeur des fruits ne sont pas les mêmes. Le goût, les couleurs, les odeurs des fruits ne sont pas les mêmes. Le nom, c'est le même. Ça, c'est un palmier, ça, c'est un palmier. Le palmier du bas monde s'appelle un palmier, le palmier du paradis s'appelle un palmier. Mais les palmiers du paradis, ce sont des palmiers qui ne durcissent jamais, qui ne mourent jamais, Ce n'est pas comme les palmiers du bas monde. Les palmiers du bas-monde sont arrachés au bout d'un certain temps. Les palmiers du bas-monde, au bout d'un certain temps, ne donnent plus de fruits. Les palmiers du paradis donnent toujours des fruits. Et parmi les bonnes actions, comme on a dit, il y a la parole Subhanallahi wa bihamdi. Parmi les bonnes actions, il y a les aumônes, les sadaqat. Celui qui fait une aumône, il donne une sadaqa. À partir d'argent qui est licite, c'est pas de l'argent qu'il a eu d'une source interdite. Les gens, concernant l'argent, sont de différentes sortes. Il y a ceux qui gagnent leur argent d'une source licite et ceux qui gagnent leur argent d'une source interdite. Ce ne sont pas toutes les sources pour gagner de l'argent qui sont autorisées. Dans la loi, Allah Ta'ala a fait qu'il y a des choses qui sont licites et des choses qui sont interdites. Si quelqu'un il a gagné son argent d'une source qui n'est pas licite, même s'il fait des aumônes avec, il n'aura pas de récompense. Pour gagner des récompenses, il faut gagner son argent d'une source licite et le donner avec la bonne intention pour gagner l'agrément de Dieu. Donc si quelqu'un il fait une aumône à partir d'argent qui est halal, qui est licite, encore faut-il qu'il ait la bonne intention. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la bonne intention? C'est-à-dire qu'il le fait pour l'agrément de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire il le fait pour l'agrément de Dieu? C'est-à-dire il ne le fait pas pour que les gens disent « Ah, mashallah, il a donné tant pour construire une mosquée. » Lui, c'est ce qu'il recherchait. Il voulait avoir une bonne réputation. Comme certains disent, c'est pour ma conscience et ma réputation. Non. Il l'a fait de manière totalement désintéressée. Ce n'était pas le regard des gens qui l'importaient. Ce n'était pas une recherche de réputation. Mais il l'a fait exclusivement, uniquement, parce que Dieu agrée cela, pour gagner des récompenses de la part de Dieu. Parce que Allah agrée que l'on fasse cela, il l'a fait. Il a dit, Dieu c'est mon créateur, je lui dois tout, il agrée que je fasse ça, moi je le fais pour ça, pour son agrément. Ce n'est pas pour que les gens disent de moi telle et telle chose, pour avoir une réputation. Donc celui qui fait une aumône, à partir d'argent qui est licite, avec une bonne intention, c'est-à-dire pour l'agrément de Allah. Ce n'est pas pour que les gens disent de lui, « Ah, c'est quelqu'un qui agit en bien. C'est un bienfaiteur. » Ce n'est pas pour que les gens fassent son éloge. Alors, avec ces conditions-là, il aura une récompense immense. Il aura une récompense éminente. Parce que l'aumône, même si elle est de faible valeur, mais si elle provient d'argent licite, l'aumône, même si elle est de faible valeur, et qu'elle provient d'argent licite, et qu'elle est donnée avec une bonne intention, ce n'est pas pour l'éloge des gens, ce n'est pas pour qu'on dise qu'un tel est généreux, un tel donne beaucoup. Un tel, c'est un... Il fait du bien. Mais son intention est que Allah, il agrée les aumônes. Donc, s'il fait une aumône ainsi, quelle qu'elle soit petite, selon le jugement de Allah, elle est d'une grande valeur. Cette aumône, selon le jugement de Allah, est d'une grande valeur. Donc, c'est selon l'intention de la personne qu'est la récompense. En fonction de son intention, elle a la récompense. Plus la personne préfère l'au-delà sur le bas-monde, plus sa récompense sera grande. Plus la personne est attachée à l'au-delà et se détache du bas-monde, plus la récompense est grande. Celui qui donne une aumône à partir de une faible quantité d'argent, c'est-à-dire qu'il a donné une petite quantité, mais cette petite quantité représente peut-être la moitié de ce qu'il possède. Il a donné une faible quantité. En valeur absolue, elle n'est pas grande. Mais en valeur relative, c'est la moitié de ce qu'il possède. Celui-là, sa récompense sera plus grande qu'un autre qui a une grande fortune qu'il a amassée de sources licites et qui a donné en valeur absolue une somme plus grande que le premier, mais qui représente une toute petite partie de sa grande fortune. En valeur relative, elle est faible. Cela, comment l'avons-nous appris de la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. قيل كيف ذلك يا رسول الله قال رجل له درهمان فتصدق بأحدهما ورجل تصدق بمئة ألف درهم من عرض ماله. Ce qui signifie un dirham procure plus de récompense que 100 000 dirhams. Un dirham, c'est une pièce d'argent métal. Le dinar, c'est la pièce d'argent, une pièce en or, une pièce de monnaie en or, et le dirham, c'est la pièce de monnaie en argent métal. Le messager a dit, alayhi salatu wassalam, ce qui signifie en français, un dirham procure plus de récompenses que 100 000 dirhams. Les compagnons ont dit, comment cela au messager de Allah? Comment un dirham procure-t-il plus de récompenses que 100 000? Il a répondu, c'est l'exemple de deux hommes. L'un ne possédait que 2 dirhams. Il a donné 1 dirham en aumône, ce qui représente quoi pour lui? La moitié de ce qu'il possède. Et l'autre, il a donné 100 000 dirhams, qui représente une petite partie de son immense fortune. Donc, ces 100 000 dirhams, même si en valeur absolue sont très grands, eh bien leur récompense, la récompense qu'il procure est plus petite que la récompense de celui qui a donné 1 dirham et qui a gardé pour lui-même 1 autre dirham. Celui qui a donné 1 dirham et qui a gardé 1 seul, sa récompense est plus éminente que cet autre qui a donné en aumône 100 000 dirhams, qui représente une toute petite partie de son immense fortune. Par ailleurs, Allah n'agrée et nous récompense les bonnes actions, Allah l'agrée et nous récompense les bonnes actions, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit les aumônes, qu'après avoir connu Allah. La personne n'aura de récompense que si elle a connu Allah. Celui qui ne connaît pas Allah comme il se doit, quelles que soient les bonnes actions qu'il fait, Allah ne les agrée pas. Allah ne les récompense pas. Mais celui qui a connu Allah et qui a cru en Allah et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui que seront acceptés et pour qui seront récompensées les bonnes actions. La croyance en Allah, c'est de connaître qu'Allah existe et qui n'a pas de ressemblance avec autre que lui. La croyance en Allah, c'est de connaître qu'Allah existe et qui n'a pas de ressemblance avec autre que lui. L'être de Allah, ce n'est pas un corps. L'être de Allah, ce n'est pas un corps impalpable comme la lumière ou le vent. Et l'être de Allah n'est pas un corps palpable, comme l'être humain, comme le soleil, la lune ou les étoiles. Allah n'est pas un corps. Allah n'est pas un corps de petite taille et il n'est pas un corps de grande taille. Allah, il existe avant toute autre chose. Allah existe avant toute chose. Il existe avant les cieux, il existe avant la terre, il existe avant les 6 directions. Allah, il existe avant les 6 directions. Allah, il existe avant l'existence des endroits, sans endroit. Allah existe avant l'existence des endroits, sans endroit. Et il a créé les endroits. Avant toute chose, Allah a créé l'eau. Avant toute chose, la première des créatures que Allah a créée, c'est l'eau. Et il a créé un corps très très grand, qui s'appelle Al-Arsh, le trône. Il a créé un corps qui est très très grand, qui s'appelle le trône, Al-Arsh. Il a créé un autre corps, qui s'appelle le Qalam Al-A'la, le Qalam élevé. Ce n'est pas comme les crayons et les stylos du bas monde. Et il a créé une table qui est très très grande. Elle a une distance de 500 années. D'un bout à l'autre, une distance de 500 années. Par la toute puissance de Allah, le Kalam a tracé sur cette table, il a écrit sur cette table. Il a écrit sur cette table tout ce qui va avoir lieu dans ce bas monde jusqu'au jour du jugement. Le Kalam a inscrit sur la table, sans que personne ne le tienne, tout ce qui aura lieu jusqu'au jour du jugement. Et 50 000 années après que le Kalam a écrit tout ce qui va avoir lieu, Allah a créé la terre et les cieux. Avant que Allah ne crée la nuit et le jour, il n'y avait ni lumière ni obscurité. Avant que Allah ne crée la nuit et le jour, il n'y avait ni lumière ni obscurité. Toutes ces choses, Allah les a créées par sa puissance et par sa volonté. Il a créé l'être humain et il était le dernier des créatures par le genre à être créé. Le genre humain, c'est le dernier genre des créatures. Après la création de tous les genres de créatures, Allah a créé Adam, alayhi salam, qui est le père de l'humanité. Allah a créé la terre dans deux jours, le dimanche et le lundi. Allah a créé la terre dans deux jours, le dimanche et le lundi. Et Allah a créé les cieux, les sept cieux, le mardi et le mercredi. Ça ne veut pas dire qu'Allah, ça lui a pris ce temps-là, mais Allah a fait que ces choses entrent en existence dans cet intervalle. C'est pas comme toi, tu dis, moi ça m'a pris un jour pour construire un mur. Ça c'est pour la créature, dont l'acte dépend du temps. Allah Ta'ala, il a fait que les créatures entrent en existence dans un espace, dans un temps. Il a créé les sept cieux le mardi et le mercredi. Et les deux derniers jours, Allah a créé tout ce qu'il y a sur terre, les montagnes, les arbres, les fleuves, les mers. Il a fait que sur terre, il y ait des endroits qui profitent aux gens. Des endroits qui sont habitables. Et des endroits qui peuvent, des chemins qu'ils peuvent emprunter. C'est Allah qui a créé Adam la fin du temps de l'Asr, du vendredi. La fin du temps de l'Asr, du vendredi. Adam, alayhi salam, Allah l'a créé de terre. Il a ordonné à un ange de prendre les différents sols de cette terre sur laquelle nous vivons, une poignée. Et cette poignée a été mélangée avec de l'eau du paradis. Il n'a pas été rapporté qui était cet ange qui a pris une poignée de terre des différents sols de cette terre sur laquelle nous vivons. C'est possible que ce fût Jibril ou Azraïl ou d'autres que. Possible que c'était Jibril, possible que c'était Azraïl, possible que c'était un autre ange. Cette terre qui a été mélangée avec de l'eau du paradis est restée sous forme de boue, de terre glaise, pendant un certain temps. Puis il s'est asséché petit à petit, jusqu'à devenir comme de la porcelaine. Puis Allah l'a transformé en chair, en os et du sang. Allah l'a transformé en chair, os et sang. Et il a introduit l'âme à l'intérieur de ce corps. Allah a introduit l'âme à l'intérieur de ce corps. Et Allah a fait apprendre à Adam la parole. Il lui a fait savoir directement dans le cœur de Adam, sans qu'il n'y ait d'enseignant, le nom de toute chose. Que telle chose s'appelle une mer, que cette chose s'appelle une montagne. Et à partir d'une des côtes, de la cage thoracique de Adam, une des côtes, il lui a créé Hawa, Ève, son épouse. Il lui a donné comme épouse. Adam a vécu 130 ans au paradis. Adam a vécu 130 ans au paradis. C'est-à-dire, ces 130 ans représentent la dernière heure du vendredi. Ces 130 ans représentent la dernière heure du vendredi. Parce que les 6 jours, chacun d'entre eux dure 1000 années de nos jours à nous. Ces 6 jours-là, chacun d'entre eux dure 1000 années de ce que nous comptons. Puis Allah a fait descendre Adam sur terre et lui a enseigné des moyens de survie. Comment semer le blé, comment récolter, comment fabriquer du pain. Il lui a enseigné comment extraire le fer. Et comment extraire le feu. Et comment fabriquer des monnaies, des pièces d'or et des pièces d'argent pour que les gens fassent leurs transactions avec les monnaies. Et Hawa lui a donné, a été enceinte 40 fois. Dans chaque grossesse, elle avait un garçon et une fille. Les 39 grossesses, un garçon et une fille, une seule parmi les 40, elle avait un garçon qui s'appelle Sheath. Sheath n'a pas eu de sœur jumelle. Puis ces enfants de Adam se sont à leur tour multipliés. Ils ont eu des descendances. Et ils sont devenus, à l'époque de Adam, Adam n'était pas encore mort, Adam et ses enfants étaient au nombre de 40 000. Ils étaient 40 000. Parce que Adam a vécu en tout 1000 années. Adam a vécu 1000 années. Les 130 au paradis et le reste des 1000 sur terre. Le fait que ce que nous disons à propos des grossesses de Adam, de Hawa, ce n'est pas un texte dans un hadith du prophète. Mais c'est ce que les historiens ont rapporté. Des histoires des communautés antérieures. Adam, alayhi salam, il a enseigné à ses enfants la croyance en Dieu et aux anges. Adam, alayhi salam, il a enseigné à ses enfants la croyance en Allah et la croyance aux anges. Il leur a enseigné qu'Allah envoie des prophètes pour appeler à l'islam, à la religion que Dieu agrée. Il leur a enseigné qu'Allah fait descendre des livres à certains prophètes. C'est Adam qui a enseigné cela à ses enfants. Il leur a enseigné qu'Allah envoie des prophètes pour appeler les gens à l'islam, qui est la religion que Allah agrée. Il aura enseigné que Allah fait descendre à certains prophètes des livres. Il aura enseigné aussi que viendra un jour où Allah anéantira tous les humains et tous les djinns. Il aura enseigné que viendra un jour dans lequel Allah anéantira tous les humains et tous les djinns. Ils vont mourir, puis ils seront ressuscités. Après cela, Allah leur fera rendre des comptes. Après cela, Allah leur fera rendre des comptes. Ceux qui ont cru en Allah, ceux qui ont cru au prophète, ceux qui ont cru en Allah et au prophète et en ce que les prophètes ont amené, les anges les conduiront au paradis. Les anges les conduiront au paradis. Quant aux non-musulmans, les anges les conduiront en enfer. Quant aux non-musulmans, les anges les conduiront en enfer. Il aura enseigné que par la suite, les croyants vivront au paradis, sans mort, sans fin, et les non-musulmans vivront en enfer, sans fin. Le feu de l'enfer est très intense. Le feu de l'enfer est très fort. Mais malgré cela, ceux qui vont y entrer, les non-musulmans qui y seront, ne vont pas mourir. Leur état, tout comme Allah Ta'ala nous l'a décrit dans le Coran, « La yamutu fiha wa la yahya » C'est-à-dire que celui qui n'est pas musulman, il va être en enfer, il ne va pas mourir pour perdre la sensation du feu, pour être débarrassé, et il ne va pas vivre d'une vie paisible, d'une vie apaisante. Adam était prophète. Adam était le premier de tous les prophètes. Après sa mort, c'est son fils, qui s'appelle Shif, qui était le prophète de son époque. Et après la mort de Shif, Allah Ta'ala a envoyé un prophète qui s'appelle Idris. Après lui, il y a eu beaucoup de prophètes. Après Idris, il y a eu beaucoup de prophètes. Et le dernier de tous les prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après Muhammad, il n'y aura pas de nouveaux prophètes. Il n'y aura plus de nouveaux prophètes jusqu'au jour du jugement. Isa alayhi salam a reçu sa mission de prophète avant notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Entre Isa et notre maître Muhammad, il y a 600 années. Entre Isa et notre maître Muhammad, il y a 600 années. Et tous les prophètes, Allah les a engagés tous à devoir croire en Muhammad si Muhammad apparaissait et à devoir lui amener leur soutien. De tous les prophètes, Allah a pris l'engagement de croire en Muhammad et de le soutenir s'il recevait sa mission de prophète alors qu'ils étaient vivants. Allah, il sait de toute éternité quand Muhammad allait recevoir sa mission de prophète. Allah, il le sait. Il sait qu'il va venir après tous les autres prophètes. Mais, par honneur pour notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer son haut degré, il a pris de tous les prophètes l'engagement que si Muhammad venait, alors qu'il était vivant, alors que ce prophète était vivant, de croire en lui et de le soutenir. Et donc, chaque prophète savait qu'il allait y avoir un autre prophète qui va venir, qui s'appelle Muhammad. Tous les prophètes le savaient. N'importe quel prophète, il est recommandé de dire, lorsqu'on cite son nom, il est recommandé de dire « alayhi salam » ou de dire « alayhi salatu wassalam » pour n'importe quel prophète. Quand son nom est cité, il est recommandé de dire « alayhi salam » ou « alayhi salatu wassalam » à voix basse ou à voix haute. À voix basse ou à voix haute. Adam, alayhi salam, son mérite est éminent. C'est lui qui a enseigné aux gens la religion. Adam, alayhi salam, son mérite est éminent. C'est lui qui a enseigné aux gens la religion, il a enseigné à tous les humains de son époque. Et c'est lui qui est le père de tous les humains. C'est lui qui est le père de tous les humains. Les hommes et les femmes, tous sont descendants de Adam. C'est Adam qui est la cause de leur existence. C'est Adam qui est la cause de leur existence. Et c'est Adam qui a enseigné à ses descendants les langues qu'ils utilisent. C'est Adam qui a enseigné à ses descendants les langues qu'ils utilisent, que tous les humains utilisent. Et c'est lui qui a enseigné l'islam à ses enfants. Adam alayhi salam, c'est lui qui a enseigné l'islam à ses enfants. Et c'est lui qui a enseigné les moyens de survie. Comment survivre sur terre? Comment fabriquer le pain? Comment fabriquer les pièces de monnaie, etc. Donc ce n'est pas comme le prétendent les chrétiens. Les chrétiens ont été injustes envers Adam. Ils ont mal parlé de lui. Ils disent que Jésus s'est donné lui-même pour expier le péché de Adam, des humains. Ils prétendent par là que Jésus se serait laissé tuer, il aurait laissé les Juifs le tuer, alors qu'il était capable de les en empêcher, et malgré cela il les a laissés, pourquoi ? Pour débarrasser l'humanité du péché de Adam. Tout cela, ce sont des mensonges. Tout cela, ce sont des calomnies. Le péché qu'a commis Adam, alayhi salam, c'était de consommer d'un arbre. Un arbre qui lui était défendu d'en manger les fruits. Lui et son épouse, ils ont fait le repentir. Après avoir mangé du fruit de cet arbre, ils ont fait le repentir. Et Allah a accepté le repentir. Allah leur a pardonné. D'autre part, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme réplique? On peut leur dire, un père, il n'est pas chargé du péché de son fils, et un fils n'est pas chargé du péché de son père. Chacun rendra compte de ses propres œuvres. D'où est-ce qu'ils ont imaginé ces bêtises ou ces sottises en prétendant que toute l'humanité est en train de subir le péché de leurs ancêtres? Ce sont des paroles qui sont infondées. Et de plus, Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, et Jésus n'est pas un dieu. Jésus est un prophète. Celui qui rabaisse Adam alayhi salam, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Celui qui rabaisse le premier de tous les prophètes, le père de toute l'humanité, celui qui le rabaisse, qui le dénigre, il n'est pas croyant. Et Dieu ne l'agrée pas. Tout comme celui qui rabaisse notre maître Mohammed, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Allah ne l'agrée pas. Et tout comme celui qui rabaisse ou dénigre Jésus, ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un musulman. N'importe quel prophète, celui qui le dénigre, celui qui le rabaisse, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Parmi les preuves que toute l'humanité était sur l'islam, il y a la parole de Allah dans le Coran. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. C'est-à-dire que toute l'humanité avait une seule et même religion qui est l'islam. Toute l'humanité avait une seule et même religion qui est l'islam. Puis, il y a eu divergence. Après cela, certains ont suivi d'autres religions que l'islam. Et c'est alors que Allah a envoyé des prophètes, autres que ceux qui étaient avant, depuis Adam jusqu'à Idris, pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui croyaient en Dieu et en ses prophètes qu'ils auront le paradis, et pour avertir ceux qui refusent de croire en Dieu, ou qui refusent de croire aux prophètes, ou qui dénigrent les prophètes, ou qui rabaissent Dieu, qu'ils auront l'enfer, que Dieu nous en préserve. Et le Coran, le texte du Coran est une preuve. Lorsque nous disons preuve et la parole de Dieu, pourquoi c'est une preuve? Parce que ce texte, c'est un prophète qui nous l'a transmis. Et les prophètes sont tous véridiques. Pourquoi ils sont véridiques? Parce qu'ils ont des miracles. Les miracles, ce sont des preuves de leur véracité. Parmi les caractéristiques des miracles, c'est qu'aucun incrédule ne peut le contrer ou ne peut amener quelque chose de semblable. Pas uniquement à l'époque du prophète lui-même, mais même par la suite, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des défis et aucun ne peut contrer les miracles des prophètes ou amener quelque chose qui puisse contrecarrer le miracle d'un prophète. Par ailleurs, comment avons-nous su, nous, qui vivons à notre époque, comment avons-nous su, avons-nous connu l'existence des prophètes et de leurs miracles? C'est parce que ce sont des informations qui nous sont parvenues par Tawatur, c'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes les ont observés, les ont entendus, se sont basés sur leur perception sensorielle saine et ils ont transmis. Ils étaient d'un grand nombre, ils ont transmis à un grand nombre et ainsi de suite jusqu'à ce que l'information nous soit parvenue. Donc voilà pourquoi le texte du Coran est une preuve. Comme nous parlions des aumônes et des bonnes actions, il y a à ce sujet un des descendants du prophète qui s'appelle Abdullah, un des descendants de Al-Muttalib, c'est-à-dire un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abdullah, fils de Ja'far, fils de Abu Talib, que Allah l'agrée. C'était un des proches du prophète alayhi salatu wa sallam, qui était connu pour sa grande générosité. Cet homme, notre maître Abdullah, fils de Ja'far, était connu pour sa grande générosité. Il était un jour avec ses compagnons, visiter un verger à lui. Il était extrêmement riche et il était aussi extrêmement généreux. Il dépensait son argent dans les voies du bien, dans la bienfaisance, espérant ainsi la récompense de la part de Allah. Sur son chemin, il est passé près d'un grand verger où il y avait des palmiers très très hauts, qui portait des fruits qui étaient mûrs. Il s'est assis sur un tronc de palmier qui était mort, pour se reposer un peu. Alors que des oiseaux se posaient ça et là, picoraient les graines qui tombaient par terre. Il faisait le tasbih, il disait Subhanallah, pour cette belle vue qu'il avait. Et ses compagnons n'étaient pas loin de lui. Peu de temps après, un jeune homme de couleur mat de peau est venu. Il avait entre ses mains une nourriture. Et quelle était cette nourriture? C'était 3 morceaux de pain. Il est placé devant lui pour les manger. Et il a invité notre maître Abdullah, fils de Ja'far, et ceux qui étaient avec lui pour participer avec lui. Ils se sont abstenus sans vouloir le brimer, parce que c'était 3 petits croutons de pain qui suffisaient à peine pour ce jeune homme. Le jeune homme a alors dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Il a pris un premier morceau de pain, il allait le manger, et à ses pieds il a vu un chien tout haletant, sa langue pendait de faim. Et le chien était en train de regarder ce jeune homme. Il lui a lancé alors le bout de pain. Imaginez quelqu'un qui allait manger. Il a donné au chien ce bout de pain qui était dans sa main. Le chien l'a happé et l'a avalé rapidement, comme s'il n'avait rien mangé depuis des jours. Et quand il a fini, il n'a pas bougé. Il restait encore à regarder ce jeune homme. Il lui a lancé le deuxième morceau de pain. La même chose, il a avalé. Et le chien n'était pas rassasié avec 2 bouts de pain. Il restait à observer le jeune homme qui était bon, qui dans le cœur s'était adouci pour l'état de ce chien. Il lui a lancé le troisième morceau, et l'a mangé, le chien l'a avalé, et tout cela se passait sous le regard de notre maître Abdullah, fils de Ja'far, que Allah l'agrée, qui était surpris par le comportement de ce jeune homme, qui n'avait rien d'autre à manger. Il lui a dit, jeune homme, quel est ton besoin de nourriture pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme suffisance pour aujourd'hui? Alors il lui a dit, c'est ce que tu as vu. C'est-à-dire, je n'ai rien d'autre que ces trois morceaux de pain pour toute ma journée. Il lui a dit, pourquoi donc tu as donné à manger au chien si tu n'avais rien d'autre? Le jeune homme a dit, parce que dans cette région-là, il n'y a pas de chien. Et donc ce chien-là, il doit être venu d'une distance très très éloignée. Je n'ai pas osé le laisser sans nourriture, et je ne voulais pas le chasser, je lui ai donné à manger. Notre maître Abdullah a été très satisfait de la réponse de ce jeune homme. Il lui a posé encore une question, il lui a dit, « Et qu'est-ce que tu vas manger le reste de ta journée ?» Il lui a répondu, « Je vais patienter, comme les jeûneurs patientent, et c'est Allah qui aide. » Alors notre maître Abdullah a dit à ses compagnons, « Les gens disent de moi que je suis généreux, mais ce jeune homme, il est plus généreux que moi. » Puis il est parti voir le propriétaire de ce verger, et il a acheté le jeune homme qui était donc un esclave chez lui, et il l'a affranchi, il a rendu sa liberté, puis il a acheté le verger à son propriétaire, et il l'a offert à ce jeune homme pour l'honorer en recherchant la récompense de la part de Allah. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا